chapitre 274. L'interdiction de se réjouir du malheur des musulmans. Allah Ta'ala dit: les croyants ne sont que des frères. Sourate 49, verset 10. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Sourate 24, verset 19. 1577. Selon Wa'athila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: ne te réjouis pas des malheurs de ton frère musulman. Il se peut en effet qu'Allah lui fasse miséricorde et t'éprouve à ton tour. At-Tirmidhi a dit: hadith hasan. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah. On pourrait citer ici le hadith numéro 1570 rapporté par Abu Huraira au chapitre sur l'interdiction d'espionner, où il est notamment dit: tout chez le musulman est sacré pour les autres musulmans.